L'église Saint-Pierre est la plus petite des églises romaines de Mel, mais elle possède un charme particulier. Elle a été construite au début du XIIe siècle sur l'emplacement d'un ancien oratoire qui lui date du Xe siècle. Cela en fait l'un des monuments médiévaux les plus anciens de la ville. Son architecture sobre et équilibrée reflète parfaitement les principes de l'art roman. Solidité, simplicité et harmonie. Elle servait probablement à une communauté plus restreinte, ce qui explique son caractère intime. En la comparant aux autres églises que vous avez visitées, vous pouvez observer la diversité du patrimoine religieux mélois. Poursuivez maintenant vers le temple protestant qui témoigne d'une autre période de l'histoire religieuse de la ville.